Parce qu'au niveau, ce qu'on appelle le processus de conscientisation, il va y avoir de l'intégration. L'intégration. Parce que l'évolution, là, c'est à peine commencé. C'est même pas comment. Là, je parle pas dans un sens darwiniste, là. Mais l'évolution, là, au niveau de l'individu, l'évolution, là, n'est pas bien. C'est un phénomène qui est à peine, on pourrait même dire, c'est quelque chose qui n'est pas là encore. On est encore dans l'involution. C'est-à-dire que des affaires comme l'évolution, c'est collectif, ça. Mais là, la conscientisation, l'intégration, ça, c'est des phénomènes individuels. Quand il va y avoir une addition de beaucoup de gens, là, ça, on peut pouvoir parler d'évolution. Mais ben, autant qu'à moi, je ne sais même pas comment ça. Mais souvent, les gens vont dire mon évolution, mais là, c'est parce qu'ils se détachent de l'involution. Ils vont dire mon évolution. Mais la conscientisation, l'intégration, c'est pas nécessairement de l'évolution encore. Ben, y a-t-il des mutations, là? Y a-t-il des génétiques? C'est ça que je veux dire, là. Donc, bon.